C'est en Christ Jésus que nous sommes suffisants pour la tâche. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Lorsque nous parlons à des non-chrétiens, nous essayons souvent de remporter un débat doctrinal. Bien qu'il soit important que nous sachions ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons, nous devons tout de même focaliser sur le fondement de notre foi lorsque nous parlons à quelqu'un. Il est facile de se laisser entraîner dans des discussions sur la prédestination, l'évolution et les prophéties au sujet des derniers temps. Tout en répondant aux questions honnêtes, nous devons toujours ramener la conversation sur le fondement de notre foi, soit la personne de Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. C'est ce que faisait Paul et nous devrions suivre son exemple. Charles Stanley discute de ce sujet dans l'émission d'aujourd'hui. Vous écoutez En Contact et ses enseignements bibliques. Ouvrez vos Bibles à la première épître aux Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Avant de lire le texte, j'aimerais faire deux remarques. Qu'importe si vous servez le Seigneur en enseignant ou dans un autre type de ministère, vous devez absolument comprendre la vérité dont Paul traite dans ce texte, et l'Esprit doit vous avoir illuminé au sujet de celle-ci. Cette vérité doit être précieuse à vos yeux. Sa compréhension de cette vérité explique pourquoi l'apôtre Paul prêchait la personne de Jésus-Christ et sa crucifixion, et pourquoi Dieu a utilisé Paul avec tant de puissance. Il est donc essentiel que vous compreniez cette vérité. Lisons le texte. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Ceci semble contredire les paroles de Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui me fortifie. » En fait, c'est parce qu'il était faible que le Seigneur Jésus fortifiait l'apôtre Paul. Poursuivons le texte, lisons les versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Considérons comment étaient les Corinthiens. C'étaient des gens sensuels. Tout comme les Grecs, ils aimaient débattre des questions philosophiques. Puisque Corinthe était un important centre commercial, ses habitants entendaient parler de toutes les nouvelles philosophies et de toutes les idées nouvelles qui provenaient de toutes les parties du monde. Ils absorbaient avec grand plaisir toutes ces philosophies. Dans quelques instants, nous lirons un verset qui décrit leur attitude. C'est Paul qui a prêché l'Évangile à Corinthe et qui a fondé la première Église. Les chrétiens de Corinthe sont maintenant divisés. Certains se disent disciples de l'éloquent Apollos, d'autres se disent disciples de Paul, qui a enseigné avec puissance. D'autres affirment suivre Pierre ou encore Jésus-Christ. Les chrétiens étaient divisés entre eux parce qu'ils mettaient l'accent sur la sagesse. Paul écrit afin de régler ce problème. En traitant de cette question, il nous donne un aperçu de ce qu'il a en lui. C'est un facteur qui est déterminant si nous voulons servir Dieu avec puissance. L'esprit avec lequel l'apôtre Paul servait était plus important que ses actions. Voyons ce que Paul dit à ce sujet dans les 5 versets que nous avons lus. Nous y trouverons 2 ou 3 perles. Examinons premièrement les 2 premiers versets. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Premièrement, examinons le message que l'apôtre Paul livrait. Il a dit « Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu ». L'apôtre Paul racontait ce que Dieu avait fait dans sa vie et le témoignage de Dieu, alors que Dieu lui révélait la vérité. Paul n'était pas le sujet de son discours, mais c'était le témoignage de Dieu. Quiconque veut proclamer la parole de Dieu ne peut qu'avoir un seul sujet, le témoignage de Dieu. Au verset 2, il est encore plus précis, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voici ce que l'apôtre Paul dit. J'ai tout mis de côté sauf Jésus-Christ crucifié. J'ai décidé de tout mettre de côté sauf une vérité fondamentale, Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Je ne parle que de la mort expiatoire de Jésus-Christ, qui a payé pour les péchés de l'humanité, et par laquelle nous sommes justifiés, réconciliés avec Dieu, et que nous devenons un en lui. L'apôtre Paul ne prêchait plus que Jésus-Christ crucifié parce que rien d'autre ne fonctionnait, rien d'autre ne libérait une personne du péché. Tant que nous ne considérons pas la mort expiatoire de Jésus-Christ, nous n'avons que de la connaissance provenant de la sagesse humaine, de philosophie humaine et que des opinions diverses. Ce que Paul a dit au verset 17 du premier chapitre de l'Épître est intéressant. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Si l'apôtre Paul n'avait pas prêché avec la puissance de l'Esprit, mais avec la sagesse du langage, de l'éloquence, son message n'aurait pas eu d'effet. C'est ce que Paul entend par la croix du Seigneur Jésus rendue vaine. Il l'aurait rendue vaine en utilisant les idées et le langage des philosophies. Paul a dit, « J'ai tout rejeté et je suis venu à vous pour vous livrer un seul message. Vous n'avez aucun espoir sans la mort expiatoire de Jésus-Christ. » Paul débute les Épîtres aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens et aux Philippiens en traitant du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, de sa mort expiatoire. Il aurait pu aborder de nombreux autres sujets, traiter de nombreuses doctrines, mais il s'arrête uniquement sur la mort expiatoire du Seigneur Jésus. En fait, l'apôtre Paul dit, « C'est le message que les Corinthiens ont besoin d'entendre. Ce message dit que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour le salut des hommes, et tout le reste est érigé sur cette fondation. » Si vous ne comprenez pas la crucifixion, le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, vous demeurez spirituellement aveugle. Si vous ne croyez pas que Jésus a versé son sang pour vos péchés et que vous n'en voyez pas la nécessité, vous vous tournerez vers de faux espoirs. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, « Lorsque je suis venu parmi vous, j'avais décidé de ne prêcher que Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié. » Jésus-Christ a été crucifié dans le passé, mais les effets de sa crucifixion se manifestent encore aujourd'hui et sa mort expiatoire est encore puissante pour sauver des âmes. Jésus-Christ a été crucifié et c'est le seul sujet sur lequel j'ai voulu prêcher. Réfléchissons à une question pendant un instant. Pourquoi est-ce qu'une personne se désintéresserait de la crucifixion de Jésus-Christ? Eh bien, exactement pour la même raison que les Juifs et les Grecs de l'époque. Ces raisons se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. L'apôtre Paul dit qu'il a décidé de ne prêcher que Christ crucifié, même s'il savait que les Juifs voudraient des miracles et qu'ils ne voudraient rien entendre de la crucifixion. Pour eux, la crucifixion était un signe de faiblesse. Les Juifs attendaient un chef ou un roi qui les libérerait du joug romain. Ils ne pouvaient pas accepter l'idée de tendre l'autre joue si on nous frappe, ou celle d'un homme qui parlait de souffrir et de mourir. Jésus-Christ a donc été une pierre d'achoppement pour eux, une occasion de chute. Il n'y avait pas de place pour une pierre comme Jésus-Christ dans leur pensée théologique. Ce n'est pas ce qu'ils recherchaient ou désiraient. Par contre, pour les Grecs, c'était une folie de voir un sauveur dans un homme qui avait été crucifié entre deux criminels et qui n'avait pas pu sauver lui-même. Pour eux, cela n'avait pas de sens. Ce n'était pas logique. En fait, c'était une idée folle. Les Grecs ne voulaient rien savoir d'un tel concept. Paul a dit aux Corinthiens, « Sachant ce que les Juifs et les Grecs pensaient, connaissant ce qu'ils croient, j'ai tout de même décidé de vous prêcher une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas d'autre message. » La Bible présente la mort expiatoire de Jésus-Christ. Dieu le Père, voyant la misère de l'humanité, sa déchéance, son désespoir et son impuissance à se sauver, a envoyé son Fils unique, qui était sans péché, mourir pour les nôtres, de sorte que nous puissions être sauvés et acceptés par Dieu, par grâce, au moyen de la foi. Dieu accepte la mort de son Fils comme étant un sacrifice suffisant pour le pardon des péchés, ce qui rend le salut de n'importe quelle personne possible. Et le sacrifice de son Fils est le seul moyen de salut possible. Quiconque est sauvé comprend suffisamment la mort expiatoire du Seigneur Jésus pour en parler à n'importe qui, n'importe où dans le monde. Cette vérité est le fondement de tout ce qui se trouve dans la Bible. C'est pour cette raison que Dieu, dans le jardin d'Éden, a dit à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse, chapitre 3, verset 15. Par la mort de Jésus-Christ, Satan, la mort et le péché ont été vaincus. Le premier message de Dieu à l'humanité annonçait la venue d'un sauveur. Que s'est-il produit d'autre dans le jardin d'Éden qui annonce le sacrifice du Seigneur Jésus? Avec quoi Dieu a-t-il revêtu Adam et Ève? L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau, et il les en revêtit. Genèse, chapitre 3, verset 21. Un animal a dû mourir pour obtenir ses vêtements de peau. Dans tout l'Ancien Testament, nous voyons des sacrifices sanglants offerts pour le pardon des péchés. Le sacrifice expiatoire est le fondement de la foi chrétienne. Si vous ne comprenez pas ce concept, alors tout le reste de la Bible sera déformé. Les sectes déforment la vérité de sorte que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'est pas considéré nécessaire ou suffisant. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, l'apôtre Paul a affirmé clairement qu'il ne se glorifiait qu'en Jésus-Christ crucifié. Lisons le verset 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Paul avait un message qui imprégnait tout ce qu'il a dit et enseigné. C'était la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Celle-ci a satisfait Dieu. Jésus-Christ était notre substitut, notre réconciliation avec Dieu et notre justice. Ce sacrifice à la croix a été fait pour l'humanité. Lorsque quelqu'un vous dit que le sang de Jésus-Christ versé à la croix n'est pas important, dites-lui qu'il peut aussi bien jeter sa Bible. Sans la mort expiatoire du Seigneur Jésus, nous n'avons rien. Aucun espoir, aucun salut. Sans sa mort expiatoire, il n'y a aucun fondement sur lequel notre salut repose. Comme dans toutes les autres religions, il faudrait chercher à mériter notre salut par des bonnes actions. C'est ce que les Corinthiens faisaient. Ils cherchaient la sagesse et la connaissance. Ils étudiaient les nouvelles idées, celles dont ils entendaient parler par les voyageurs. L'apôtre Paul leur a dit qu'il a rejeté toutes ses philosophies pour ne retenir que le Seigneur Jésus, Jésus-Christ, crucifié sans aucun compromis. « Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui ait prêché avec puissance et qui a été utilisé par Dieu après avoir fait des compromis au sujet de la mort expiatoire de Jésus-Christ. » Même une personne instruite qui rejette cette doctrine ne peut pas prêcher avec la puissance divine. Mes amis, nous ne pouvons pas diluer le message de l'Évangile lorsque nous l'expliquons à un ami. C'est une chose de dire à quelqu'un que Dieu l'aime et qu'il a un plan merveilleux pour sa vie. Cela est vrai. Dieu l'aime et il a un plan pour sa vie. Cependant, Dieu n'a pas de plan pour celui qui rejette la mort expiatoire de Jésus-Christ. Le salut d'une âme et son accès au trône de la grâce passent par la croix du Seigneur Jésus. Dieu n'a aucun plan de salut qui exclut la crucifixion de son Fils, parce que le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Tous les plans de Dieu pour la vie d'une personne comprennent ces étapes. Venir au Père par Jésus-Christ et placer sa foi dans son sacrifice à la croix. Dieu n'accepte aucun plan qui ne tient pas compte de la croix. La plupart d'entre nous ne comprennent pas toute l'œuvre de Jésus-Christ, ni toutes ses implications au moment de notre salut. Cependant, quelqu'un nous avait expliqué que le Seigneur Jésus était mort pour nos péchés et que nous n'avions qu'à accepter par la foi le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre tout savoir au sujet de la croix. Les gens retombent dans leurs péchés par ignorance ou parce qu'ils négligent ou refusent d'approfondir leur compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Leur intelligence n'est pas renouvelée et ils retombent dans leurs anciens péchés. Cependant, si quelqu'un évite de considérer le sang de Jésus versé sur la croix, qu'est-ce qu'il refuse exactement? Il refuse de s'examiner et de faire face à son problème avec le péché. C'est cela son véritable problème. Nous ne voulons pas considérer que nous avons personnellement péché et, en ne tenant pas compte de la mort expiatoire du Seigneur Jésus, nous n'avons pas à nous inquiéter de nos péchés. La seule chose qui peut nous obtenir le pardon et la libération du péché est la mort expiatoire du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je mets l'accent sur ce point. Si vous comprenez la mort expiatoire de Jésus et que vous l'acceptez comme sauveur personnel, alors vous passez de cette vie terrestre à la gloire éternelle. Tout véritable croyant comprend suffisamment le sacrifice expiatoire pour l'expliquer à quelqu'un qui lui dit qu'il veut aller au ciel lorsqu'il mourra. Nous ne pouvons pas devenir la personne que Dieu désire que nous soyons sans venir à Dieu par Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Un message qui ne contient pas la mort expiatoire de Jésus-Christ est inutile. La mort expiatoire de Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Nous ne pouvons pas éviter d'en parler. Nous ne pouvons pas diluer notre message ou le rendre plus doux en insistant sur l'amour de Dieu plutôt que sur le sang versé à la croix. Nous ne pouvons pas le rendre plus agréable en faisant des compromis doctrinaux. En fait, si nous le faisons, les gens ne respecteront pas cet évangile et il sera plus facile à rejeter. Dieu ne permettra pas que nous diluions son évangile pour le rendre plus acceptable et que nous enseignions que nous ne pouvons être sauvés sans passer par la croix. L'apôtre Paul affirme que toute philosophie qui ne prêche pas Christ crucifié est inadmissible. Notez l'attitude avec laquelle l'apôtre Paul a approché les Corinthiens. Au premier verset du chapitre 2, il a dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Autrement dit, je ne me suis pas présenté à vous comme étant un grand orateur ou un philosophe. Je suis venu vous annoncer le message qui changera votre vie. » Au verset 17 du premier chapitre, l'apôtre Paul a dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Pour prêcher l'Évangile, il n'est pas nécessaire d'être un orateur ou docteur en philosophie. Si je parle selon la sagesse humaine, j'anéantis l'efficacité du message de l'Évangile. La sagesse humaine va masquer la pureté de l'Évangile. Paul a affirmé qu'il n'est pas venu pour enseigner selon la sagesse humaine, mais pour dire en toute simplicité que sans la mort expiatoire de Jésus-Christ, nous n'avons aucun espoir. Mes amis, si vous avez un discernement spirituel, vous pouvez déceler l'hypocrisie, les fausses philosophies et les imitations.

C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la sagesse et l'assurance pour enseigner ou pour servir dans tout autre ministère. Notre sentiment de faiblesse devrait nous amener à prier et à dire au Seigneur Jésus que s'il n'agit pas, la tâche ne sera pas accomplie. Ensuite, il faut se mettre au travail avec crainte et tremblement. Nous devons dépendre de la puissance du Saint-Esprit en nous pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Le Saint-Esprit ne nous rendra jamais capables d'accomplir le travail au moyen de nos propres forces, mais il fera de nous ses instruments. Cependant, si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, son Saint-Esprit n'habite pas en vous et vous ne pouvez pas vous appuyer sur lui. En fait, Dieu ne vous confie même pas de tâche. Le premier pas de la marche chrétienne consiste toujours à recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel pour recevoir le pardon de nos péchés et avoir la vie éternelle. En se sacrifiant sur la croix, le Seigneur Jésus prenait sur lui la punition que nous méritions pour nos péchés. Il prenait sur lui notre condamnation, de sorte que Dieu le Père peut maintenant nous accueillir et nous pardonner gratuitement. En effet, son Fils a donné sa vie en rançon pour nous, et la dette de nos péchés est entièrement effacée. Nous n'avons qu'à confesser nos péchés et recevoir par la foi le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix purifie tous ceux qui croient en lui de leurs péchés. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens 1, versets 12 à 14. Nous en avons parlé dans l'émission d'aujourd'hui. Dieu ne s'attend pas à ce que nous complétions notre marche chrétienne et notre pèlerinage terrestre par nos propres forces. Non, bien au contraire, il nous exhorte, c'est-à-dire qu'il nous encourage à nous appuyer sur lui pour accomplir les tâches qu'il nous a confiées. Or, nous tombons souvent dans ce même piège. Nous avons une trop grande confiance en nous et nous oublions que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pour échapper à cet engrenage, il est donc très important que nous apprenions à dépendre entièrement du Saint-Esprit afin de connaître le sentiment de joie qui nous habite lorsque nous vivons dans la plénitude spirituelle. Faisons confiance à Dieu. Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi. Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.